Chapitre 2e. Pour ne pas alarmer l'opinion publique, la disparition des plans du cuirassé sous-marin n'avait pas été divulguée. La mort mystérieuse de Robert Peltier n'excita guère la curiosité. Le rapport des médecins, en effet, avait conclu au suicide. Quant au cambriolage, peut-être, n'avait-il jamais existé. Robert Peltier, pris d'un accès de folie, avait dû lui-même fracturer ses tiroirs et ses armoires avant de se tuer. Naturellement, la police avait tout d'abord cru qu'il y avait un lien entre la disparition des plans du cuirassé sous-marin et la mort de l'expéditionnaire. Mais rien n'était venu confirmer cette supposition, et l'enquête pour retrouver les plans n'avançait pas. Or, le jour même de la découverte de la mort de Robert Peltier, un incident va mettre en émoi la foule qui, par ce bel après-midi d'octobre, déambulait sur le boulevard Saint-Michel. Un jeune Japonais, qui se dirigeait vers la place Saint-Michel, venait d'atteindre l'angle du boulevard Saint-Germain, lorsque deux hommes, qui vraisemblablement le suivaient depuis assez longtemps, se ruèrent sur lui. L'un, d'un coup de casse-tête sur le crâne, l'étendit sur le pavé, cependant que l'autre, rapidement, ouvrait son pardessus et son veston, arrachant boutons et coutures, et lui enlevait le contenu entier de ses poches. Toute l'opération n'avait pas duré 20 secondes, et avant que les passants, aussitôt courus, aient pu intervenir, les deux hommes, de robustes gaillards, avaient bondi vers une auto stationnée à quelques mètres d'eux et s'y étaient engouffrés. Le véhicule, aussitôt, avait filé en 4e vitesse et avait disparu dans le dédale des rues situées entre le boulevard Saint-Germain et la rue des Écoles. Le Japonais, relevé par les assistants et transporté dans une pharmacie, avait été ranimé. Son premier mouvement avait été pour tâter la doublure intérieure de son gilet, ce qui lui avait permis de constater que la poche qui y était ménagée avait été vidée. Il n'avait pas dit un mot, et après avoir donné son nom et son adresse à Saga, étudiant, rue de Lyon 456, à l'agent accouru, avait déclaré qu'il ne portait pas plainte, étant donné que nous lui avons enlevé que très peu de choses, sur quoi il s'était éloigné. Nul n'eût porté attention à cet incident de rue, somme toute assez banal, si le lendemain une autre attaque, encore plus audacieuse et surtout plus grave, n'eût ému l'opinion publique. Il était environ 2 heures de l'après-midi. L'autopostal transportant de l'hôtel des postes à la gare du Nord le courrier à destination de l'Angleterre et de la Belgique venait de ralentir par suite d'un embarras de voitures à l'angle de la rue Richer et du faubourg Poissonnière, lorsque, d'une porte cochère voisine, deux hommes masqués surgirent, revolver au poing. L'un d'eux se précipita sur le chauffeur et, d'un coup de la crosse de son arme sur la tempe, l'étendit sans connaissance sur son siège. Puis, ayant bondi au volant, il stoppa le véhicule, cependant que son compagnon se mettait en devoir de fracturer la porte arrière de la voiture à l'aide d'une pince d'acier. Dans la foule, des cris avaient retenti, mais deux autres individus apparaissaient, un pistolet automatique dans chaque main, et faisaient place nette autour d'eux, criant « Que personne n'approche, c'est du cinéma, on tourne !» En effet, un cinquième personnage, entre-temps, avait placé au milieu de la chaussée à quelques pas de l'autopostal un trépied supportant un appareil de prise de vue dont il tournait la manivelle avec flegme et régularité. De tous côtés, des cris éclatèrent « Laissez, c'est du chiquet, c'est du ciné !»« Est-ce que c'est bien joué quand même ?»« Mais non, ils exagèrent. Tu le reconnais ? Le grand qui est sur l'auto, c'est Jim Carter. »« Mais non, c'est Joe Clarkson, celui qui a joué dans les mystères de San Francisco. » Pendant que s'échangeaient ces appréciations, pendant que la circulation s'interrompait, l'homme masqué, ayant réussi à fracturer la porte de l'auto, avait pénétré à l'intérieur du véhicule et examinait fébrilement les étiquettes ficelées au sac. Il trouva sans doute ce qu'il cherchait, car brusquement, il sortit de la voiture et en anglais cria « That will do, man, ça va !» Instantanément, l'opérateur souleva son appareil, le jeta sur son dos et s'élança vers la voiture, aussitôt imité par les deux hommes qui tenaient la foule à distance de leur revolver. Mais un agent courait. Sa voix s'entendit, dominant le brouhaha de l'assistance. « Arrivez ici, s'il vous plaît, vos papiers, l'autorisation de... » La foule s'était écartée devant le représentant de l'autorité qui s'avança vers l'auto. Il allait l'atteindre lorsque l'opérateur lui lança son appareil de prise de vue en plein visage, en même temps qu'il sautait dans la voiture. celle-ci, à la même seconde, exécuta un démarrage foudroyant, renversant un petit pâtissier et une vieille dame. Elle fila d'un trait dans la rue des Petites Écuries, qui était à peu près libre, et arriva dans le faubourg Saint-Denis qu'elle remonta à toute vitesse vers le boulevard de la Chapelle. Et c'est là qu'on la retrouva avec, à l'intérieur, le corps inerte de l'infortuné chauffeur. Quant à connaître la direction prise par les bandits, car c'était bien des bandits et non des artistes de cinéma, ce fut impossible. Nul n'avait fait attention au passage de l'autopostale. Ce fut tout juste si le tenancier d'un hôtel meublé du voisinage crut pouvoir se rappeler qu'il avait vu passer un taxi avec plusieurs personnes, des hommes, dedans, et qui se dirigeait vers le canal Saint-Martin. Impossible d'en savoir plus. L'on reconnut cependant que les bandits avaient certainement manqué de sang-froid ou de temps, car ils s'étaient contentés d'enlever un sac, celui contenant les valeurs déclarées à destination de Portsmouth, lequel, l'enquête le démontra, contenait à peine pour une cinquantaine de mille francs de chèques de mandat poste, alors qu'un second sac, allant à Londres, contenait pour plus de 2 millions en valeurs diverses. Ainsi, les bandits avaient raté, ou presque, leur coup, car sur les 50 000 francs de valeur que contenait le sac volé, le quart à peine était recouvrable sans danger. Un butin de 12 000 francs, pour un risque si grand, le jeu n'en valait vraiment pas la chandelle, ainsi que le firent remarquer les journaux. Ce qui n'empêcha pas l'émotion d'être énorme. On ne manqua pas de rapprocher l'attaque du véhicule postal de l'agression dont la veille avait été victime le jeune Japonais. Des reporters pensèrent même aller interviewer l'Asiatique, mais ils s'aperçurent alors que l'adresse donnée par le prétendu Asaga était fausse. Il n'y avait pas de numéro 456 dans la rue de Lyon et personne dans cette voie ne connaissait de Japonais. Pourquoi les Japonais avaient-ils menti? On se le demanda. Les uns opinèrent que sans doute n'était-il pas en règle avec la loi? D'autres allèrent jusqu'à supposer qu'il n'avait pas la conscience tranquille. En tout cas, on ne le retrouva pas. Pas plus qu'on ne devait retrouver les assaillants de l'autopostale. L'administration des postes, d'accord avec la préfecture de police, fit annoncer le jour même qu'elle offrait 50 000 francs à qui fournirait des indications permettant de retrouver les voleurs. L'annonce parut le lendemain matin dans tous les journaux. Et à 9 heures précises, alors que le secrétaire du préfet de police arrivait dans son cabinet, un huissier lui fit passer une carte de visite ainsi conçue. Césaire Ravascas, détective privé, sollicite un entretien au sujet du vol de l'autopostale. M. Gescard, le secrétaire du préfet, ordonna que l'on introduisît immédiatement le détective. Césaire Ravascas entra. Ayant salué, il s'expliqua avec clarté. « J'ai des raisons, monsieur, de croire que je suis sur la piste des bandits de l'autopostale. Et je crois même connaître pourquoi ils ont attaqué l'auto. Mais avant, je voudrais avoir confirmation de l'annonce des journaux. Est-il vrai que l'on donne 50 000 francs à qui fera arrêter les bandits ?»« Parfaitement, et combien donnera-t-on si en même temps on retrouve les documents volés au ministère de la Marine ?» questionna l'associé de la maison Browning & Co.